بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في هذه الدروس في شرح مناسك الحج والعمرة، وفي آخر الدرس أخذنا مسائل في الطواف، واليوم نكمل إن شاء الله تعالى، نكمل إذا استطعنا العمرة. نعم، انتهينا من مسألة الطباع. بعد ذلك قال وفقه الله: يجب أن يكون الطواف من خلف الحجر، لأن الحجر من البيت. اي نعم، الحجر سي لا بارتي لو كوم ان فورم دو لون ان دمي سيركل كي sur le côté de الكعبة. قال هنا لأن الحجر من البيت. نعم، الحجر ce petit muret que tu vois en forme de demi-lune, en forme circulaire, un demi-cercle, هذا الأصل سكس من البيت. فلا يجوز الطواف من داخل الحجر. T'es obligé de contourner. فلهذا قال يجب أن يكون الطواف من خلف الحجر. نعم، لأن الطواف يدوى يتخطر الكعبة، وهذا الحجر في بارتد الكعبة. قال وإذا شك الطائف في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، مع الحذر من دخول باب الوسواس. تسا إن شاء الله مضي طريقة. قال ويصح الطواف في جميع المسجد، وكل ما دنا من البيت كان أفضل. فهناك on a cité plusieurs مسائل، وإن شاء الله on explique قليلا قليلا. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم على أن من شك في عدد أطوافه بنى على اليقين. أي نعم، واليقين سي الأقل. فمثلا سي تفي الطواف أخي الكريم et t'as un doute, est-ce que c'est 4 Est-ce que tu es au quatrième tour ou au cinquième tour? Fala shakana, t'as fait le quatrième. T'as un doute sur le cinquième, fi hada al-hal. Fatabni ala al-yaqin. Et l'yaqin, c'est l'aql. Fada iman, si t'as un doute, est-ce que tu es au troisième ou au deuxième? Mathalan, tu te bases et tu fais comme si c'était que le deuxième. Et tu refais le troisième. Et n'am. Léanna, al-yaqin, la yazoul bi shak. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. فهنا تبني على اليقين كما قال ابن المنذر رحمة الله عليه. مسألة طواف، هل يشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ أشواط جمع شوط أي لتوخ. فهل يشترط الموالاة؟ الموالاة عدم الانفصال، الموالاة عدم الانفصال أي تفعل الست توخ سان كوبيور. فإسكو سان شرط دو نو با ساريتي؟ أي إسكو سي تو تاريت سافي دو مال أتون طواف. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه قال فالسنة في الطواف الموالى يجب أن يوالي بين الأشواط، هذا واجب. فالسنة في الطواف الموالى قال يجب، فقوله السنة سببادق هنا باب المستحب لا، هي تمتخن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الموالى ثم يسد الحكم يجب أن يوالي بين الأشواط، هذا واجب. قال لكن الاستراحة القليلة التي لا تضر والتي لا تعتبر طويلة عرفا لا تمنع. إيه نعم، أما سي الإنسان يغصن فاتيق هي ساعد كلك مينوت هي بوا إكسترا فلا يضر هذا، فلا يضر. دونك on a compris من كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أن ce qui fait du mal c'est الوقوف الطويل والانفصال الطويل الكبير، فهذا صفي جمال وطواف. أما اليسير فلا. قال وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم يكمل الطواف من المحل الذي قطعه منه وهكذا السعي. أساسي ندخل مسألة سيج في الطواف أخي الكريم، وأظن قد نبهنا عن هذا. سيج في الطواف ثم أذن المؤذن، tu continues في هذا الحال، tu continues، tu fais pas الركعتين المستحبة، لا tu continues. لكن عند الإقامة الصلاة الفريضة فهي هذا الحال tu coupes الطواف، tu fais الصلاة مع الجماعة que ce soit فجر ظهر عصر مغرب وعشاء، ثم dès l'imam يسلم فأنت تسلم tu te lèves et tu continues ton طواف من المحل الذي قطعه. Si tu t'arrêtes au troisième tour, tu reprends au troisième tour. Si tu t'arrêtes à la moitié du quatrième, tu reprends à la moitié. L'endroit où tu es, tu continues. قال قطعه منه وهكذا السعي. نعم. سيأتي معنا في السعي c'est la même chose. أي السعي بين الصفا والمروة. قال أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله. ساسي على قول القول الصحيح إن شاء الله تعالى. سل فصل لطويل لطويل، ففي هذا الحال يغفى الطواف من البداية. قال لأن الموالاة شرط على قول، المسألة خلافية لكن القول الصحيح إن شاء الله سي هذا القول. قال إلا القطع اليسير الذي يعتبر ليس بطويل أو لعذر شرعي كإقامة الصلاة. نعم، أو il veut se reposer quelques minutes ou il a soif. هذا معروف. Il coupe, ثم il reprend son tawaf. نعم. هذه المسألة المهمة. الموالاة c'est un شرط، c'est واجب. Donc dès qu'on fait le tawaf, on le fait d'un coup. Et une petite pause, كما قال الشيخ عبد العزيز لا تضر. نعم، on revient على قول الشيخ محمد وفقه الله. وإذا شك الطائف في عدد الأشواط بنى على اليقين. on l'a cité هذه المسألة لكن on a pas expliqué le tanbih. قال وهو الأقل مع الحذر من دخول باب الوسواس. فهذا مهم أن الإنسان يبتعد من الوسواس في هذا الحال وفي غيره، que ce soit في الوضوء، que ce soit في الصلاة، que ce soit في الطواف. لأن الشيطان يوسوس بعض الإخوان وبعض المسلمين شفاهم الله ايزون ce مرض، مرض الوسواس، فربما يغفى الطواف au lieu de faire 7 tours ربما يفي des dizaines de tours. Et دائما يشك est-ce que j'ai fait، est-ce que j'ai fait. هذا c'est un مرض. نعم، un oubli ça arrive. Ça arrive, tu fais le tawaf, tu sais plus si t'es au quatrième ou cinquième. Tu te bases sur le quatrième, on a dit à l'aqal, et tu continues. Amma des heures, fais le tawaf. Rubama 20e, 30e tour, wayashuk. Hada sa marad. Hada yahsul. Wallah al-musta'an. Al-insan yabta'id an hada. Tabni ala al-yaqin, et tu fais attention, tu comptes les tours que tu fais. Et dès que tu arrives au septième, inshallah, t'as fini. Naam. قوله ويصح الطواف في جميع المسجد هذا فيما أذكر أن لا سيتي نعم تنكتي ومسجد الحرام الطواف إلى صحيح وكلما دنا من البيت كان أفضل تسع أن لا سيتي une autre مسألة qu'on peut citer في الطواف هل يقطع الطواف ليصلي على الجنازة on a dit pour صلاة الفريضة tu coupes لأن c'est une obligation صلاة الجماعة Et في الحقيقة la coupure elle est يسيرة quelques minutes et tu reprends. في صلاة المستحبة مثلا entre الأذان والإقامة لا tu continues à tawaf. Tu continues à tawaf لأن t'es في ركن من أركان العمرة الآن à tawaf. Donc ça passe avant les deux ركعات مستحبة. الآن بقي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة c'est pas واجب pour toi. C'est فرض كفاية كما تعلمون. Et vu que fi Masjid al-Haram, il y a beaucoup de monde qui vont faire le salat, en fait, pour toi, c'est pas wajib, tu n'es pas obligé de la faire. Lakin, vu que c'est salat jama'a, elle se fait en jama'a, et un fadl azim, et c'est quelques minutes, c'est encore plus court que salat al-fariza, les ulama, ils ont des aqwal fi hada. Qala al-Sheikh Mohammed ibn Hizam al-Ba'dani, hafidahullah, fi Fath al-Allam, qala l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, la uhib tarka al-tawaf lidhalik. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه فقال لا أحب ترك الطواف لذلك يبخفغي continue الطواف إسا سيسون أبي رحمه الله قال ومذهب الحنابلة أن له أن ومذهب الحنابلة أن له أن يقطع ويصلي أما مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم كانوا يرون القطع أي تكوب الطواف تفصل الجنازة ثم تكونتينو قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الفتح أي شرح صحيح البخاري قال واختار الجمهور قطعه واختار الجمهور قطعه للحاجة أي قطعه أي طواف Si tu peux couper le tawaf on avait dit كلام شيخ بن باز pour une haja et un temps court أما si c'est trop long tu refais le tawaf فسي الجمهور جمهور العلماء la plupart des savants ils voient que tu peux couper le tawaf pour une haja فصلاة الجنازة سنحاجة أي أجر عظيم إذا أخوان با بكو الدون فإن شاء الله تعالى لا بأس قال الشيخ محمد الصلاة على الجنازة لا تطول فلا بأس أن يقطع ويصلي ثم يبني بعد ذلك والله أعلم نعم إن شاء الله سيقول الصحيح أنه سي صلاة الجنازة تفى صلاة الجنازة ثم تكونتينو الطواف بقي الشك بعد الانصراف On revient à la masala du shak. Léana, tu peux avoir un doute quand tu fais le tawaf. Tu es au quatrième tour, est-ce que tu es au troisième? Tu as un doute, troisième ou quatrième? On a dit, tabni ala al-yaqin. Tu fais comme si tu étais au troisième tour et tu continues. Hada, inshallah, ça enlève les doutes, ça enlève les waswas, et tu te bases sur une chose qui est claire, qui est sûre. Waqiya ba'd al-tawaf. Si tu es sorti du masjid, tu as fini, mathalan. T'as fini l'umrah. Est-ce que tu refais? قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع قال أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف عن مكان الطواف أي t'es plus dans مكان الطواف مثلا t'es parti au سعي أو t'es sorti من المسجد t'as fini l'umrah tu t'es rasé les cheveux مثلا t'es retourné à ton hôtel t'es parti manger etc المهم t'es plus dans l'endroit du طواف قال فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر si c'est qu'un doute et t'as fini l'ibadah فإن شاء الله تعالى خير ton طواف il est صحيح sauf si t'es sûr si t'es sûr c'est autre chose c'est plus un doute نحن الآن la masala c'est un doute tu sais plus trop t'as un doute est-ce que j'ai fait 7 ou j'ai fait que 6 et t'as pas quelque chose de clair ففي هذا الحال إن شاء الله ton طواف il est صحيح si t'es sûr d'avoir manqué quelque chose قال الشيخ فإذا تيقن أنه ترك شوطا فحينئذ يعمل باليقين ويرجع ويأتي بالشوط S'il est sûr, après avoir réfléchi, il y a une qarina, il y a des choses qui l'aident à se souvenir qu'il est mathalan, il a fait que 6, il retourne et il finit. Qala fa in tala al-fasl. Bien sûr, dès qu'on a dit fini, c'est si c'est un petit temps. Mathalan, il est parti au sa'i. Thomas, il commence le sa'i, il se rappelle annahu, il lui manque un shawt, un tour sur le tawaf. Et il est sûr. Fiad al-Hal, il revient. Il finit son 7e tour, Thomas, il reprend le sa'i, il refait le sa'i. Amma si al-fasl est tawil, qala. قال فإن طال الفصل عرفا امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله. Si c'est trop long, الفصل, la coupure, ففي هذا الحال, مثلا, le lendemain, il s'est rappelé. ففي هذا الحال, il refait الطواف complètement. والله أعلم. فإذا فرغ من أشواطه السبعة, on a fini, ولله الحمد, مسائل الطواف, الآن. S'il a fini les 7 tours, et on a détaillé par où il commençait, quel coin il devait toucher, min al-Kaaba, etc. قال صلى ركعتي الطواف. Aïe, les 2 rak'at, خلف مقام إبراهيم. 2 rak'at, après avoir fini son 7e tour de tawaf. قال ويستحب أن يصليها خلف مقام إبراهيم. ولو على بعد. Et نعم, sunna. On va voir que c'est permis dans tout le masjid. Lakin as-sunnah, c'est de faire derrière maqam Ibrahim. Naam, si tu peux juste derrière Tayyib, lakin fi ayyam al-hajj, en haqiqa ya ziham shadid hunak, l'essentiel c'est derrière le maqam, walaw ala bu'd, walaw t'es très loin, lakin le maqam il est devant toi. Hadhihi hiya as-sunnah. Qala fa in lam yastati' fa tujzi fi jami' al-masjid al-haram. Si tu peux pas khalf maqam Ibrahim walaw ala bu'd, tu salli n'importe où dans le masjid al-haram. Inch'Allah, t'es considéré avoir fait cette sunnah. Qala wa yustahab an yaqra fi al-rak'ati al-oula ba'd al-fatiha qul ya ayyuha al-kafirun. Ça, c'est une sunnah كذلك. Dans les 2 rak'at, quand t'as fini le tawaf, derrière maqam Ibrahim, la première rak'a, après al-fatiha, tu récites qul ya ayyuha al-kafirun. Wa fi al-thaniya, qul huwa Allahu ahad. Surat al-Ikhlas. قال ولا يجوز المرور بين يدي المصلي ولو كان في الحرم. Et cette مسألة, on avait lu كلام الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في من رسالته مناسك الحج والعمرة إلى نبع عن هذا أنه لا يجوز que ce soit في المسجد الحرام أو في غيره. Et on avait lu les أدلة. إيه نعم. الدليل على هذا على الصلاة خلف مقام Ibrahim, les 2 rak'at, hadith Jabir, al-Tawil, qu'on répète souvent. Hadith Jabir, on a déjà expliqué dans Sahih Muslim, c'est un long hadith où Jabir, il explique manasik al-hajj. Hajjat al-wada', le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et le seul hajj qu'il a fait, Jabir, radiyallahu anhu, il l'explique. Qala Jabir, radiyallahu anhu, thumma ata, ay, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maqama Ibrahim fasalla. Et non, c'est un délit واضح, le Nabi sallam, il est parti en direction de Maqam Ibrahim et il a fait 2 rak'at. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. Ça c'est une faïda. Anna, si tu veux des détails et tu veux un charh tayyib, tu veux un charh mufid, mukhtasar de manasik al-hajj, tu reviens à Sahih Muslim, Kitab al-Hajj, le long hadith de Jabir avec l'explication de l'imam النووي rahmatullah alayhi. فهناك il a cité des fawaid et un kalam mukhtasar mufid, inshallah tastafid minhu. قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال هذا دليل لما اجمع عليه العلماء انه ينبغي لكل طائف اذا فرغ من طوافه يصلي خلف المقام ركعتين. اي نعم اجماع العلماء. اي هنا نص, هنا حديث واضح في صحيح مسلم. ويستحب كذلك للطائف, الطائف c'est celui qui fait الطواف. قال إذا أتى المقام, dès qu'il a fini الطواف et il va en direction du maqam Ibrahim pour faire 2 rak'at derrière si possible, يستحب أن يقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يستحب هذا الحديث إلى ثابت. بقي إذا نسي s'il a oublié ces deux rak'at, et ça arrive, ta'lamoun hunak, anna ma'a zihma, avec le monde, et khasatan le premier hajj ou la première umrah, tout est nouveau, Obama, la personne elle est impressionnée par le makan, par les gens, par le monde qu'il y a, etc. Obama yensa. Enfin, c'est pour ça que c'est important de connaître c'est quoi un rukn, c'est quoi un wajib, c'est quoi un mustahab. Et si tu as oublié, qu'est-ce que tu peux faire pour te rattraper? Ça, c'est muhim. S'il a oublié, l'imam al-Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhim, wa ibn al-Mundhir kadhalik, qalu annahu yusalli mata dhakaraha fil haram ou fil hil. Lianna c'est deux rak'at qu'il doit faire quand il se rappelle qu'il soit encore fil majid al-haram ou il est sorti ou plus tard, le jour où il se rappelle, il les fait. Wa stadallu bi hadith بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها الحديث متفق عليه عن أنس نعم c'est ça صحيح هذا ce دليل il est global من نام عن صلاة وتأملوا الصلاة لنكرة هنا نعم il a pas dit عن الصلاة là il a dit الصلاة il est نكرة أي c'est un nom indéfini et ce nom indéfini الآن يفيد العموم أي n'importe quelle الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. فسي تأوبلي de faire une صلاة que tu dois faire ou que tu as coutume de faire et tu l'as oublié ou t'as dormi, dès que tu te rappelles, tu l'as fait. فهذا الآن dès qu'il se rappelle avoir oublié de faire ces deux rak'at, où qu'il soit في المسجد الحرام ou في غيره, qu'il soit en état d'ihram ou pas, il fait ces deux rak'at. هذا هو الصحيح. قال فإذا فرغ من الصلاة الآن t'as fini de faire ces deux rak'at et on nabbah هنا l'importance d'être à la wudu. أولا الطواف on a dit il faut que tu sois à la wudu, à la sahih, c'est un شرط في الطواف. حديث عائشة تقدم معنا quand elle était حائض, elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a dit tu fais tout ce que le hajj il fait sauf الطواف. Ça montre que c'est une condition. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم il aurait autorisé à عائشة de faire الطواف. Elle n'était pas en état de pureté. Et huna kadhalik, tu en as besoin. Tu en as besoin. Fama balouk, si tu fais le tawaf, ton matarif, maqam Ibrahim, tu n'as plus le dos, tu dois ressortir. Et ta'lamoun anna huna kziham shadid, tu dois ressortir, trouver des toilettes pour faire le dos, etc. Faroubama tata'ab, c'est aller-retour. Faliha, dans l'importance, tu te prépares avant. Hatta tu gardes le dos pour toute la umra. Afdal. Enfin, tu en auras besoin pour tawaf, c'est une obligation, pour faire les deux rak'at. Et on verra que pour Sa'i, c'est pas un shart, c'est pas obligatoire. Lakin, si tu t'es préparé cette durée, Inch'Allah, tu seras à la tahara. Si tu t'es préparé juste avant, t'as fait tes besoins, t'as fait al-wudu, tu feras al-tawaf très simplement et rapidement. Thumma, tu feras al-salat khalf maqam Ibrahim, Inch'Allah. Amma, si t'es pas prêt, rubbama, après tawaf, t'as besoin de refaire l'wudu, fa rubbama tatab. T'akhruj et tu reviens. Et c'est pas facile quand il y a du monde. هذا أحسن الإنسان دائما يسبخبا. فإذا فرغ من الصلاة يرجع إلى الركن الأسود فيستلمه. Quand t'as fini les deux rak'a, t'as fini ton tawaf, t'es parti derrière Maqam Ibrahim, s'il n'y a pas de place n'importe où dans le masjid, tu fais tes deux rak'a, thumma tu reviens إلى الركن الأسود, الحجر الأسود. قال فيستلمه ثم يذهب الى جبل الصفا. Tu reviens à l'Hajar al-Aswad, si tu peux le toucher tu le touches. ثم t'as fini الان الطواف, t'as fini le deux rak'at, الان tu te diriges en direction de الصفا. قال ثم يذهب الى جبل الصفا. نعم, الان tu vas commencer un autre rukn, un autre pilier, الصفا والمروة. والدليل على هذا حديث جابر دائما رضي الله عنه قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه. نعم, donc ça c'est le dalil par rapport à revenir إلى الحجر الأسود. قال الإمام النووي رحمه الله واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب. اتفاق العلماء que c'est pas obligatoire. تستفيد من هذا نحن, et ça c'est une نصيحه مهمه. Quand tu entends, Akhil Karim, une chose qui n'est pas wajib, ça ne veut pas dire que tu dois la délaisser. Là, لا لأن السنة فيها خير لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة et في الحقيقة c'est des حسنات simple tu reviens et ta niya c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est une adoration t'es sincère inshallah t'as un ajr azim لكن الفائدة de connaître أنها c'est une sunna أن si t'oublies t'as rien à faire مثلا t'as oublié t'as fait deux rak'at مقام إبراهيم Derrière Maqam Ibrahim, toi t'es parti, t'as commencé Safa ou Marwa. Tu te rappelles que t'es pas retourné vers la pierre noire. Lâche, Alek. Tu continues à Safa ou Marwa. T'as oublié, ça arrive. Amma, c'est pas wajib. Ça serait wajib, probablement t'as une chose à faire. Lakin, bittifaq, ijma' al-ulama, annahu c'est mustahab. Qal wa innama huwa sunnah, ay mustahab. Qal law tarakahu lam yalzamhu damun. Naam. Il a pas... Un dame, quand ils disent dame, une bête à égorger et à propager la viande, distribuer la viande pour les pauvres. Hunak. Facile, oublie, fallait chez Ali, c'est une sunna, c'est mustahab. Thumma, yadhab donc, il a Jabal al-Safa. Donc il se dirige en direction de al-Safa. Qal hatta idha dana min al-Jabal qara'a. Il se rapproche quand il arrive ind al-Jabal, au pied. Et tout ça, c'est à l'intérieur de le masjid. Robama, ceux qui n'ont jamais fait le Hajj ou le Umrah, ils pensent que c'est dehors et il y a une montagne là. C'est une petite colline à l'intérieur du masjid. C'est très petit, quelques mètres. Et c'est à l'intérieur du masjid. Ah, là, quand tu arrives là, as-sunna, tu lis قول الله عز وجل إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله. Tu lis ce verset. C'est une sunna. ويقول نعم ويقول donc il y a un dua à dire هنا ويقول نبدا بما بدا الله به tout ça c'est ثابت في حديث جابر وفي غيره donc il lit le verset ثم يقول نبدا بما بدا الله به اي on commence parce que Allah il a commencé ان الصفا والمروه من شعائر الله Allah سبحانه وتعالى dans le verset il a cité الصفا avant المروه c'est deux collines Anta, tu commences parce que Allah il a commencé à As-Safa. Donc, As-Sa'i, ça commencera par As-Safa. Et on verra que tu en feras 7 comme At-Tawaf autour de la Kaaba. Tu en feras 7 des allers-retours. Donc, tu commenceras par As-Safa et tu finiras automatiquement par Al-Marwa. Qala thumma yas'ud ala As-Safa hatta idha ra'a al-bayt istaqbalahu thumma yaqul. Donc, tu montes. Tu vas voir que c'est très petit al-makam. Donc tu as sunna c'est que tu montes et si tu vois le qibla, tu essayes de voir le qibla, tu te mets en direction du qibla et tu dis ce dua. Al-thabit fi sunna. Tu dis la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Tu dis هذا الدعاء ثم يدعو بما شاء. Dès que tu as fait ce dua, tu fais الدعاء بما تريد. تدعو الله سبحانه وتعالى. تدعو الله سبحانه وتعالى pour toi, pour tes parents, pour tes enfants. تدعو الله سبحانه وتعالى pour les gouverneurs musulmans. تدعو الله سبحانه وتعالى pour le jannah. تدعو الله qui te facilite العلم, qui te préserve des fitnes, etc. قال يفعل ذلك ثلاثا. Donc tu dis le dua qu'on a cité la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la ilaha akhiri plus tu fais dua ce que tu veux thumma tu refais le dua tu refais dua ce que tu veux trois fois hakada thumma tu te diriges en direction de al marwa qala thumma yanzil mutawajjihan ila al marwa hatta yantahi ilayha wa yas'ad 'alayha wa yaf'al 'ala al marwa kama fa'ala 'ala al safa donc ce qu'on a expliqué sur safa et tu montes tu te mets en direction de qibla si tu vois le qibla ثم tu dis le dua ثم tu fais les invocations que tu désires هذا tu le fais trois fois ثم tu marches jusqu'à al marwa quand tu arrives à al marwa la même chose ثم tu reviens à safa etc sept fois et inshallah tu auras fini à sa'i est-ce que tu dois directement aller après tawaf, après les deux rak'at du maqam Ibrahim, est-ce que tu dois aller directement faire as-sa'i, safa ou al-marwa, tu peux t'arrêter. Qala Cheikh Abdel Mohsen, حفظه الله تعالى قال والأولى الموالى بين الطواف والسعي ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. Et ça c'est un كلام طيب. Si t'as rien qui te gêne, t'es pas fatigué, مثلا t'as pas soif, t'as pas envie d'aller au WC, etc. فcontinue أخي. Continue لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يcontinue il faisait l'umra en un coup. لكن ça peut arriver un besoin. Tu as besoin d'aller au WC, ou tu as soif, ou tu es vraiment fatigué, etc. Al-a'dhar al-ma'roufa, fa fi hadha al-hal yajouz. Yajouz, là, tu te reposes, tu t'arrêtes, tu fais ce que tu as à faire, thumma, tu continues. Hada, c'est un tanbih muhim. Est-ce que pour sa'i, il faut at-tahara? On avait dit, fi at-tawaf, c'est un shart pour at-tawaf. Pour que at-tawaf soit sahih, il faut at-tahara. أما السعي قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال مذهبنا أي الشافعية ومذهب الجمهور جمهور العلماء أن السعي يصح من المحدث المحدث بكسر الدال أي celui qui a pas l'oudou الحدث c'est le fait de perdre l'oudou قال والجنب celui qui est en état de جنابة والحائض أي المرأة قال ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت تعلمون في حجة الوداع أنها رضي الله عنها حاضت على été touchée par ce que les femmes elles sont touchées فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أي في tout ce qui fait الحاج في tout ce qui fait أي من سعي etc. لكن الطواف tu le fais pas. On avait cité ce dalil pour montrer que الطواف c'est un شرط الطهارة فيه. هنا on le cite pour démontrer que السعي c'est pas un شرط الطهارة في السعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنع ما يصنع الحاج. Et là شك أن الحاج parmi الأعمال كفاية السعي بين الصفا والمروة. الحديث اللي في الصحيحين. فهذه c'est une حجه قوية qui démontre أن celui qui est على وضوء et il fait السعي فالسعي للصحيح وتقدم معنا أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة. On revient aux messaïles qu'on a lu dans السعي. مسألة رؤية الكعبة عند الصعود على الصفا والمروة c'est une sunna. النبي صلى الله عليه وسلم il se mettait en direction de الكعبة, il voyait الكعبة et il faisait الدعاء qu'on a cité. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه وأما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه وبينها كما تقدم. هي نعم السكيزون في الحج والعمرة يعرفون هذا. أما نعم أن ربما tu montes sur Safa ou Marwa avec tous les piliers, avec les murs, etc. tu vois plus الكعبة ربما. ففي هذا الحال t'es excusé. أصلا c'est pas واجب, c'est une sunna. لكن في هذا الحال t'as عذر de ne pas appliquer cette sunna لأنها tu vois plus. فماذا تفعل؟ قال شيخ الألباني فعليه أن يجتهد في استقبالها. تجتهد et tu sauras à peu près la direction لأنها c'est à côté. Tu te mets en direction de الكعبة القبلة même si tu ne vois pas الكعبة et tu fais ce qu'on a cité من السنن. قال ولا يصنع صنيع الحيارة الذين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السماء. Et ça c'est une bid'a من البدع المحدثة التي سفون في الصفا والمروة. وما أكثر البدع هناك لأن الناس كما تعلمون يسون على جهل ربما لكثرة الفرح يسون تلمون أغو etc. فيفون دي شوز ويا أكن دليل. فمثل هؤلاء ينصحون برفق الرفق الكلام الجميل et tout doucement إن شاء الله يسمعون avec الأدلة. Et tu lui fais un résumé de l'importance de suivre un Nabi alayhi salatu salam, l'importance de faire le Hajj et l'Umrah comme il l'a fait alayhi salatu salam, khudu anni manasikakum, etc. Et Obama, ça sera des personnes qui ne comprennent pas ta langue, ou qui ne comprennent pas, ils n'ont pas ces bases, fait l'ilm, etc. S'il accepte, alhamdulillah, s'il n'accepte pas, tu fais le dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Amma hada al-fi'l. فلا يشرع. Lever les yeux en direction du ciel et lever les mains, etc. هذا لا. Avec cette صفة qu'il a dit, lever les yeux et les mains en direction du ciel, هذا c'est pas mis la sunna. lever les mains pendant le dua, c'est autre chose. Lakin, mettre la sourate qui donne sur l'Albani, là, tu regardes en direction de la Qibla et tu fais le dua qu'on a cité. قال ويمشي في طوافه لا ça ne vous fasse pas de problème mettre le hadal kalam fi tawafih vous confondez avec le tawaf ay حول الكعبة لا السعي كذلك c'est un tawaf fa l'ulama il l'appelle tawaf souvent tu trouves le tawaf baina as-safa wal marwa ne pense pas que c'est une erreur ou là tu l'appelles sa'i, tu l'appelles tawaf. Fahuna qal wa yamshi fi tawafihi ay bayna safa wal marwa mashiyan illa fi alwadi. Donc la façon de faire safa wal marwa. Donc quand tu as fini as-sunan qu'on a cité, tu viens d'arriver au pied de as-safa, tu récites le verset etc. Thumma tu descends et tu te diriges en direction de la marwa. C'est une ligne droite. C'est une ligne droite de quelques centaines de mètres. Fi hadha al-hal tu marches mashiyan illa fi alwadi qal wa huwa ma bayna al-alamayn al-akhdarayn. Ils ont mis des alama est un signe pour reconnaître cet endroit alwadi et ta'lamun alwadi qissat isma'il qissat isma'il la femme de Ibrahim alayhi salatu wassalam qissa la ma'rufa. Cet endroit où que tu vas trottiner, cet endroit il y a des lampes vertes et dès que tu vas marcher en direction tu vas les voir et tu vas voir que tout le monde, les hommes, ils activent le pas, ils accélèrent. Fa hada al-hal qala fa yas'a hunalik sa'yan. Ay, t'active le pas. Tu trottines. Qal wa amma al-mar'a. Donc ça c'est pour l'homme. Wa amma al-mar'a fa innaha tamshi kadhalik wa laysa fi as-sa'i dhikr mukhassas. Donc on a une mas'ala al-an. Est-ce que le mar'a elle trottine kadhalik? Là, ça c'est réservé pour الرجال. قال وليس في السعي ذكر مخصص. Une autre مسألة. Qu'est-ce qu'il doit dire celui qui fait السعي وين الصفا والمروة. Comme ce qu'on a expliqué في الطواف. Il n'y a pas un ذكر مخصص et un ذكر précis. Il doit dire telle chose. وبعضهم ils ont des bid'a. Le premier aller il doit dire telle chose. Thumma le retour il dit telle chose. Thumma le troisième aller etc. Tout ça c'est من البدع والمحدثات. فَيَذْكُرُ اللَّهَ أَثْنَى طَوَافِهِ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ. Tu lis le Coran, tu fais du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, tu fais un dua, qu'Allah te facilite, qu'Allah te donne le jannah, etc. Et, inshallah, t'es à la khayr. Iyakum al-bida'a. Al-bida'a, ça fait que du mal. Même si la personne a une bonne intention, même s'il est motivé. Non, parmi les mots, c'est qu'elle n'est pas acceptée. Ce amal, il n'est pas accepté. Tat'ab, il ne s'est pas accepté. Iyakum wa muhdathat al-umur, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mas'ala, idha sa'a huwa wa zawjato. Léana, on a dit, l'homme, il peut accélérer. Bel, c'est une sunna. Il accélère entre les deux lampes vertes. Lakin, le mushkila, c'est s'il est avec zawja. Il est avec sa femme, il est accompagné, ou sa mère. Ou sa tante, ou sa sœur. Mohim, il a une femme avec lui. Est-ce que il accélère et il délaisse sa femme? Ou sa femme, elle accélère ma'a? Ou lui-même, il accélère plus, il marche avec sa femme? T'as trois cas. Qala al-Sheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, jarh al-mumti'. Qala la yas'a sa'yan shadidan, la siyama fi ayyam al-mawasim. Ça, c'est un tambih, Mohim. Amma si c'est une umrah, et il n'y a pas beaucoup de monde honak, t'accélères, ta femme elle marche normalement, ou ta soeur, ou ta mère, et tu l'attends au bout. Ou tu peux même faire As-Safa ou Al-Marwa et tu la vois de loin, ou tu l'attends, si tu veux faire avec elle, hatta elle arrive et vous continuez. Hada tayyib. Lakin fi ayyam al-mawasim. Al-mawasim, c'est les rassemblements, que ce soit Hajj, que ce soit Umrah pendant Ramadan, etc. Dans ces mawasim, ces rassemblements, il y a beaucoup de monde. Fi hada al-hal qal wa az-zuham fa innahu law sa'a dhayya'aha. Rubbama tu la perds. Thumma tat'ab pour la retrouver. Thumma hiya rubbama elle a besoin de quelque chose, khassatan si c'est une femme âgée. Fa fi hada al-hal rester auprès d'elle c'est ihsan. Et si un ittifaq, mathalan, tu es avec une femme parmi tes proches et vous vous mettez d'accord, tu l'attends à tel endroit, maintenant t'accélères et tu vas l'attendre à tel pilier vers tel mur, voilà, la vas, inshallah ta'ala. Et l'afdal, l'afdal, comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen هنا, ou أشار إليه, c'est de rester avec elle. Robama une haja, robama quelque chose, fa'ahsan t'es avec elle. هذا تنبيه par rapport au سعي. قال ثم رجع إلى الصفا يمشي في المكان الذي مشى فيه ويسعى في المكان الذي يسعى فيه. Donc premier, on a expliqué premièrement Safa, il a fait les sunan qu'on a expliqué, ثم il est parti le Marwa. الآن il a fini le Marwa, il a fait comme il a fait à Safa. الآن il retourne من المروة, il retourne الصفا. قال ويعتبر ذهابه إلى المروة شوطا ورجوعه شوطا آخر. Donc من المروة إلى الصفا c'est un شوط. نعم. T'en as sept à faire. T'en as fait un. Ton retour من المروة إلى الصفا c'est un deuxième. T'en as sept à faire. Donc si tu comptes, tu vas commencer le Marwa et tu vas finir. Tu vas commencer au Safa et tu vas finir al Marwa. قال حتى يتم له سبعة أشواط آخرها على المروة ولا يشترط في سعيه بين الصفا والمروة أن يكون على الطهارة. هذه المسألة لا ديتالي ولله الحمد. قال فإذا فرغ من الأشواط السبعة بين الصفا والمروة تحلل. On répète أن في هذا الحال t'es plus en état de الاطباع أي الرداء. Le tissu que tu as sur toi, il passe en dessous de ton épaule droite. Là, ça c'est que pour le tawaf. Et toi, tu as fini le tawaf. Fahiyad al-Hal, tu remets ton vêtement sur tes deux épaules. Qala fa'idha faragha min al-ashwat al-sab'a. Al-an, tu as fini les sept allers-retours bayna al-safa wal-marwa. Qala tahallala bil-halq ou al-taqsir. Al-an, tu as fini safa wal-marwa, tu te diriges pour te couper les cheveux. Bien sûr, si c'est un homme, il se rase, ou il diminue ses cheveux. Si c'est une femme, elle coupe que le bout d'une mèche. Ça y est, c'est mal. قال الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة. نعم, كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. والرحمة بالمغفرة والرحمة ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait dua trois fois pour ceux qui se rasent. Le rasage, هنا, c'est bilmous, ou rasoir. Et هنا, il y a des, juste à côté de Safa al-Marwa, dès que tu sors, il y a un endroit spécial, il y a des coiffeurs, et ils sont prêts, walillah ilhamd, ils te rasent bilmous. Et ils ne laissent plus aucun cheveu. Qala walil muqassirin, marra. Al-muqassirin, ça peut être au ciseau, ça peut être à la tondeuse. Fahaoula, le Nabi sallam, il a fait dua pour eux, marra. Qala wa amma al-mar'a, fala yajuz laha al-halq. Hada wadih. أما والله الحمد عمل المسلمين اللي على هذا أن النساء السخص بلاتت بالموس. قال وإنما تقصر شيئا يسيرا من طرف شعرها. نعم une mèche, elle prend une mèche, elle coupe un petit bout. المقصود c'est التعبد لله جل وعلا. وبذلك يكون قد أتم المعتمر عمرته. Après هذا الحلق أو التقصير المعتمر il a fini sa umrah. الدليل على التقصير والحلق, on a dit hadith Abdullah ibn Umar في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a fait ce dua اللهم ارحم المحلقين. يتعلمون أن الإنسان si Allah سبحانه وتعالى يرحمه فإن شاء الله il est من الفائزين. Donc هذا العمل c'est un عمل عظيم. لا ينبغي الإنسان ربما في الحج une fois dans sa vie ويتردد في هذا. C'est pas obligatoire. لكن أخي استبق إلى هذا الخير. فاستبق الخيرات كما قال عز وجل. Des حسنات très très simples. Une cause pour que Allah te rahme. Et chaque مسلم normalement ça doit être ça son but. Que Allah سبحانه وتعالى il le rahme. Si Allah سبحانه وتعالى il te rahme, إن شاء الله comme on a dit, من الفائزين الناجين. في الدنيا وفي الآخرة. فالسوء عمل c'est une cause pour que Allah يترحم. فلا تتردد. Les cheveux ça repousse. Ça repousse. لكن cette force, tu sais pas si tu vas la voir un jour. هذا سعمل سهل. Et on fait des efforts في هذا et on se conseille هنا. Si tu vois un frère, ربما بعض الناس ما يدرون. بعض الناس ils connaissent pas la différence entre الحلق والتقصير. Ils pensent que c'est pareil. L'essentiel c'est de au minimum de qassar, de diminuer. Là, montre-lui هذا الفضل et inshallah ça le motivera. قالوا والمقصرين يا رسول الله. Ils ont demandé au prophète et ceux qui diminuent, ils ne se rasent pas. قال اللهم ارحم المحلقين deuxième fois qu'il fait du'a alayhi salatu wassalam قالوا والمقصرين ils ont demandé ya rasulallah et ceux qui diminuent ils se rasent pas قال والمقصرين كذلك كذلك لكن le fait que deux fois il a fait du'a pour le muhalliqin ça montre que c'est afdal al hadith on a dit les fi sahihayn tanbih Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, حفظه الله dans sa risala, il fait un tanbih. قال والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. أما المتمتع, on répète المتمتع, c'est celui qui fait l'umrah. Et c'est la plupart des gens là, ils font comme ça, ceux qui viennent de loin, خاصة. Ils font l'umrah quand ils arrivent à Mecca. ثم ils se rasent ou ils diminuent leurs cheveux. ثم ils attendent le hajj. Maintenant, s'ils sont venus au début de Dhul-Hijja, le premier, ils font l'Umrah, Thumma ils attendent jusqu'au 8 de Dhul-Hijja, ils remettent l'Ihram et ils font le Hajj. Ils vont à Mina, etc. Comme on expliquera, Inch'Allah, à partir de demain. Fal'an pour le Mutamatti', قال وأما المتمتّع, et celui qui fait l'Umrah, Thumma il enchaîne avec le Hajj. قال فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل. Si tu fais cette Umrah bien avant le Hajj, maintenant entre ta Umrah, tu vas te raser. Il reste deux semaines pour le Hajj. Plus les 4-5 jours du Hajj, ça va faire plus, presque 3 semaines. Là, chaque que tes cheveux ils vont repousser. Fi hadha al-hal, tu te rases. Quand tu finis l'umra, tu te rases à blanc. C'est afdal. Les cheveux vont repousser. Thumma, quand tu as fini le Hajj, tu vas te re-raser une deuxième fois. Baqiya, celui qui n'a pas beaucoup de temps, ses cheveux n'ont pas le temps de pousser. Mathalan, il fait l'umra le 6e ou le 7e jour de l'Hajj, juste avant le Hajj. Rubbama, le jour du Eid, quand il va faire le halqa ou le taqsir, ayyam al-hajj, probablement ses cheveux ils n'auront pas poussé. Ou ils repoussent shay'an yassiran. Fahiyad al-halqa al-shaykh, wa in kana al-tahallul minha qariban min al-hajj, fal awla al-taqsir. Dans ce cas-là, al-taqsir c'est afdal. Il ne passe au raser à blanc, tu diminues, faqat. Qala liyabqa sha'ar, sha'aran yahlaquh. نعم يحلقه إذا تحلل من الحج. إذا سيت الدليل الآن أنا قد يقول قائل أين الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الدعاء pour les محلقين. Et moi si je me rase je rentre dans في هذا الحديث. قال لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة. تأملوا. الرابع الحج ça commence le 8e jour. Donc ils sont juste avant l'an. قال قصروا عند تحللهم من العمرة. Il n'a pas dit حلقوا. Il dit قصروا. Ils ont diminué leurs cheveux. Ils ont laissé un peu de cheveux. فقط. Pour pouvoir les raser le jour quand ils auront fini أيام الحج يوم العيد. Comme on l'expliquera en détail. قال كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال فيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم et ceux qui ont amené le hadi comme on avait fait une ishara au début de Durus, ils n'ont pas fait le hajj, التمتع. Ils n'ont pas fait l'umra, ensuite le hajj. Là, ils ont amené la bête avec eux, ils ont fait le hajj. Amma al-mutamatti'in, comme ils étaient al-sahaba, ou al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma ankara alayhim, bel, il leur a démontré, annahum yuqassiroun. Et ils se raseront pour le hajj. Hada, c'est un tanbih tayyib de Sheikh Abdel Mohsin. Sheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il a fait le même tanbih fi al-sharh al-mumti' al-mujallad al-sabi' كتاب الحج إلى فئ لمن تنبية هذا سمهم هذا سمهم سواضح un autre تنبيه toujours de الشيخ عبد المحسن حفظه الله في رسالته النافعة تبصير الناسك قال والحلق والتقصير للرجال bien sûr التقصير c'est pour les hommes قال يكون لشعر الرأس كله Amma la femme, on a dit une mèche. Elle prend le bout de ses cheveux, une petite mèche, et elle coupe. Amma pour l'homme, c'est toute la tête. Que ça soit le rasage, il se rase à blanc, avec un rasoir, il fait toute la tête. Que ça soit avec des ciseaux ou la tondeuse, il diminue, faqat, il se rase pas à blanc. Kadalik, c'est la tête entière. Léana, tu vois, anna ba'dahum, il finit à Safa wal Marwa. Et vous trouvez des personnes qui attendent, c'est leur travail. Ils coupent, ils ont un ciseau, et Obama, il y a des hommes qui viennent, ils lui coupent une petite mèche et ils partent. Et ils pensent que, khalas, il est halal. Là, c'est un khata. لأن الحلق والتقصير ستدوي toute la tête. فنو تبخسيبت با أخي الكريم ولا تغتر بهؤلاء. بعضهم المال فقط, il veut un peu d'argent et il te fait هذا. لا, أنت c'est ton دين, c'est الحج, c'est العمرة. فإن شاء الله tu le fais comme il a fait النبي صلى الله عليه وسلم. إما tu le fais dans ton hôtel, إما tu le fais chez le coiffeur et tu lui montres bien qu'il fasse toute la tête. قال فلا يكفي أن يقصر بعض شعر رأسه ويترك بعضه. هذا لا, لا ينبغي هذا. لا, الحلق التقصير سي toute la tête. قال كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. هذا سي واضح. كذلك on en profite هنا que ça soit في الحج أو في العمرة أو tout le temps. الآن بعض المسلمين للأسف تأثروا بالغرب جدا et ils ont des coupes de cheveux. نعوذ بالله, نعوذ بالله من السفه ونعوذ بالله من التشبه بالكافرين من أعداء الله. نعم, ils se coupent que les côtés et ils laissent شعر كثير au milieu. Tout ça c'est من التشبه بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Quand tu te coupes les cheveux, que ce soit le hajj ou l'umra, al-taqsir ou l'halq, ou dans ta vie de tous les jours, tu fais une coupe comme les muslimines. C'était pas connu, hada inda ajdadina wa aslafina, abatan. Tout ça c'est venu min al-qurb. Un safih, un mujrim, il a fait hada, wa ils l'ont suivi. A'udhu billah. Aina hubbuk bin nabi alayhi salatu salam. T'as déjà vu un kafir anta qui porte al-imama ou al-taqiyah? Ah oui, il essaye de ressembler au prophète alayhi salatu salam. Yubghidunahu ashadd al-bughd. Et il se moque d'A'da'ullah. Et ils lui ont fait du mal de son vivant et ils essayent de lui faire du mal après sa mort. Naam. Enfin, il le déteste. Il déteste ceux qui ressemblent à Nabi salatu salam. Enfin, pourquoi nous, moi en tant que musulman, j'irai ressembler et faire comme un kafir? Ah, baten. Ça, c'est un problème de l'aqida, un problème de iman. لأن تعلمون أن الإنسان يسوي الشخص كلام فأنت تام الرسول ده مسلم فسوي الرسول. أما هذا الكافر الله سبحانه وتعالى يغضه يلو ديتست أنت en tant que مسلم tu dois le détester في الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. هذا سأن تنبيه. أن أدخ تنبيه قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شرح الممتع قال قوله والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. J'ai oublié ce qu'on a cité dans les dourous précédents, le moment qu'on doit arrêter de telbiya. لأن الآن on a fini l'umra. الآن on a expliqué الطواف, on a expliqué السعي. الآن on s'est rasé la tête, on a diminué les cheveux si on est متمتع et le وقت il est proche, c'est أفضل. الآن est-ce qu'on avait cité le moment de couper talbiya? Léana, quand on a expliqué qu'on arrivait en bus, on a fait le, on s'est mis en état d'ihram, etc. Et on a commencé talbiya. Nasit, est-ce qu'on a cité c'est quand qu'on doit arrêter talbiya? Mouhim, on le cite. On a parlé sur notre émin. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. Et quand il arrive في المسجد الحرام et il commence le tawaf, il arrête talbiya. قال لأنه شرع في المقصود والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود. المقصود c'est de faire الطواف بالبيت, السعي, etc. العمرة. فالتلبية c'est pour la route. Quand t'arrives المقصود أي أعمال العمرة أو الحج, tu fais ces أعمال avec des أذكار, etc. قال فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. نعم, ويستغل ويشتغل أو يشتغل, نعم, ويشتغل بذكر الطواف. نعم, إفاء الأذكار كنا فيدي بو الطواف, قراءة القرآن, etc. يبقى أن ذكر مخصص لكن إفاء دي أذكار إسي غسيد دي شوز كالسلفي غسيد فالطيب. هكذا في السعي. المهم أنه في هذا الحال دي بلو التلبية. نعم, وقد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم, أي أنه لغت التلبية quand il commence الطواف, لكن الحديث اللي ضعيف. والصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما, ثبت عن ابن عباس موقوفا. أما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى الدليل على هذا. لكن قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه أبخى بخصيتي أثر ابن عباس, قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. نعم, أكثر أهل العلم يسون على هذا. Et avec le mawquf d'Ibn Abbas, Inch'Allah ta'ala, c'est as-sawab. Fa'idha qassar. Donc, quand tu te rases les cheveux, ou tu diminues, halla lahu kull shay, hatta an-nisa. Alors, on a fini l'umra. Tu t'es rasé, t'as diminué, t'as fini l'umra. Tu retournes dans ton hôtel, tu te laves, etc. Tu remets tes habits normaux. Tu remets tes habits normaux et on conseille huna al-hadar mina tashabbuh bil kuffar. للأسف تتقوف مسلمون يسون هناك بلاد التوحيد بلاد العلم بلاد الخير الحرمين etc. تلتقوف إلى فين العمراء يسابي كما كافر لا يجوز هذا لا يجوز partout لكن هناك سأشد on conseille نحن profitons هناك ربما c'est un déclic tu délaisses ces habits qui te sont d'aucune utilité بل ça te fait du mal من تشبه بقوم فهو منهم فأبخي تتخ أبي الآن. Tout ce qui était interdit pendant l'Ihram, aller se tailler les ongles, se mettre du parfum, avoir des relations avec sa femme, etc. Tout ça, ça devient halal. Aller t'es plus en état d'Ihram, tu deviens, comme ils disent les ulama, halal. Fahada. Avec ça, on a fini Sifat al-Umra, walhamdulillah. Et al-an, on a fini l'Umra, al-an, on attend la période du Hajj. Nous, à partir de demain, Inch'Allah, on commence. Lakin, quand t'es hunak, l'an, tu seras en période d'attente. Si c'est deux jours, si c'est une semaine, ça dépend. Ça dépend combien de temps t'es parti avant le huitième de Dhul Hijjah. Et demain, c'est le premier de Dhul Hijjah. Inch'Allah, on continue nos durous. Donc, à partir de demain, il reste plus que huit jours. Plus que huit jours. Enfin, nous, Inch'Allah, on commence, c'est fait la umra. Et comme je vous ai dit, la plupart des choses, l'an, on les a vues. Elle est haram, on a vu. Elle est tawaf, on a vu. Elle est sa'i, on a vu. Al-halq wa taqsir, on vient de voir. Inch'Allah, on va rester sur les masaïl qu'on n'a pas vu. Amma, quand on arrivera à un rukn qu'on a déjà vu, on fera une simple ishara. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadat. Wa nas'aluhu azza wa jal an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa jazakumullahu khair ala al-hudur. Wa alhamdulillah rabbil alameen. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.